Édition de septembre 2013. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Quoi de neuf dans nos contrées? Eh bien, Sherbrooke fut l'hôte des Jeux d'été du Canada du 2 au 17 août. Il s'agit de compétitions multisports inspirées des Jeux olympiques. Athlètes et équipes représentent la province ou le territoire où ils habitent. À ce qu'on dit, l'événement a connu un franc succès. Pour plus de détails à ce sujet, visitez www.jeuxducanada2013.ca. Côté personnel, après une période d'essai, j'ai mis en ligne sur Amazon la version définitive de mon court roman pour enfants intitulé « Grand-père ». Guillaume passe quelques jours à la ferme chez ses grands-parents. Il fera des foins avec grand-père, apprendra à traire une vache, ainsi que l'existence d'une bande de lutins sous le tas de roches. Guillaume raffole des histoires de grand-père et compte bien un jour les mettre dans un livre. Un moment de tendresse entre un jeune garçon et son grand-père. Voici l'adresse où vous le procurez. www.amazon.com/dp/b00cgngmpq. Par ailleurs, paraîtra en septembre un roman jeunesse inédit, Rio du Refuge, que vous pourrez également acquérir sur Amazon. Brève anecdote d'Aristide Filiatro ce mois-ci. Tiré de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatro, éditions de l'avenir présente Témoins récalcitrants. En cour d'assises, un avocat bien connu interroge un témoin récalcitrant. Dites à la cour si lorsque vous avez vu le cadavre pour la première fois, le respect est encore. Vous voyez qu'il plaise à la cour, il ne répond pas. Parlez-moi d'un homme qui prend la parole et qui dit rien. Dans le cadre du feuilleton, suite de l'aventure de l'estrade, agent très spécial. Rappelons qu'il s'agit d'un audiodrama, avec effets sonores et musique d'ambiance, adapté d'un de mes romans inédits. Nous en sommes au troisième épisode. Les éditions de l'avenir présentent L'estrade, agent très spécial par Christian Martin. La galaxie en quête du scélérat. Il affronte les bandes de malfrats en voie du pugilat. Il déteste les congés payés. Ce qu'il aime, c'est l'action. C'est pourquoi il est rassuré quand il voit son patron. Troisième épisode.

avec Christophe dans le rôle de Lestrade, Kael dans le rôle de Gus, Fred dans le rôle de Brownlee-Head, Ezwa dans le rôle de Antasaïli, Michael Cadillac dans le rôle de Yashim Brezhnev, Jay dans le rôle de l'employé de l'astroport de Geuse, K00 dans la voix du Turbo, Silverson dans le rôle du garde de la guérite, Christophe Hubert dans le rôle du majordome du comte, Blast dans le rôle du chauffeur de la voiturette, Aldor dans le rôle du comte Ratula et Stanley dans le rôle de Chapeau Mou. Dans le prochain épisode, le comte parviendra-t-il à expliquer la présence de Snarch à Laval à bord de son yacht? Ne manquez pas nos précédentes productions et celles en cours. Visitez l'aveniraudio.canalblog.com. L'histoire et les personnages appartiennent à leur auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons et est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Votre présentateur, Christian Martin. Merci de votre attention. À bientôt. Et voilà pour le troisième épisode de l'Estrade, agent très spécial. Le roman, duquel fut adapté cet audiodrama, fut développé d'une nouvelle que vous retrouverez dans un recueil gratuitement disponible en e-book sur Feedbooks à fr.feedbooks.com/usethebook/22046/. Le Progrès de l'Est nous offre un coup d'œil sur un chapitre de l'histoire politique américaine de 1883, ainsi que quelques autres infos en provenance des États-Unis. Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 1, colonne 3. Choses et autres. On dit que l'honorable Henry L. Pierce ne refuserait pas la candidature comme gouverneur et que c'est lui qui aurait le plus de chances actuellement. Ce ne serait pas une chose nouvelle pour lui que d'enfoncer Butler, car il a aidé à le vaincre au Congrès. En prétendant, Butler était un stalwart républicain et faisait tous ses efforts pour faire voter l'infâme projet de loi sur l'armée. Les deux chambres de la législature de Pennsylvanie ne peuvent tomber d'accord sur un projet de loi d'appropriation. Une d'entre elles est républicaine et l'autre démocratique. Le fait est qu'aucune des chambres n'est disposée à accepter ce qui est juste et raisonnable. On est à lutter pour obtenir un avantage quelconque à son parti politique respectif. Cette situation ne permet pas d'admettre que chaque chambre agisse avec justice, ni qu'il existe un nombre suffisant de députés pour combattre, au nom du bien public, l'esprit dominant de l'égoïsme. Des exemples de ce genre ne portent jamais de bons fruits. Trois hommes capables et animés de l'esprit de justice devraient pouvoir présenter un projet de loi d'appropriation qui ferait l'affaire des deux parties, et un tel projet de loi devrait être voté définitivement. Le conseil donné par le gouverneur Butler aux gens de Tewksbury de vivre en bonne harmonie est digne de remarque pour le motif qu'il vient d'un homme qui a passé toute sa vie dans les querelles. Est-ce que cet ancien citoyen serait disposé à vivre en paix sur ses vieux jours, ou bien son discours serait-il une émission de sentiments recommandables débités par manière d'acquis, comme sa proclamation du jour du jeûne qu'il a volé de l'ancien gouverneur Gore? Il est difficile de se prononcer là-dessus. Le gouverneur est d'une nature particulière et on ne peut le juger en le faisant passer au contrôle ordinaire. Il a une bonne mémoire pour les choses qu'il veut retenir, mais il ne paraît pas admettre que le peuple se rappelle son passé politique. Ce passé est plein de tumultes et dans le plus grand nombre de cas, le gouverneur se trouve du mauvais côté. La grève des télégraphistes est finie. Ce résultat était prévu depuis quelque temps. Nous avons donné quelques détails de cette grève en traitant la question au point de vue des deux parties en cause. Maintenant que la guerre est finie, nous n'hésitons pas à dire que nos sympathies étaient pour les grévistes. Nous croyons qu'ils ne sont pas suffisamment payés et que les grandes compagnies font un monopole de leur situation. Au cas particulier, la loi de l'offre et de la demande a beaucoup contribué à régler les choses. Il paraît qu'il existe dans le pays beaucoup de télégraphistes plus ou moins habiles qui ont été heureux de travailler aux conditions de la compagnie et qu'un grand nombre de grévistes perdant courage ont été satisfaits de retourner au travail. Heureusement que dans notre pays, il existe plusieurs portes ouvertes pour toutes les entreprises et industries et que si les salaires ne sont pas satisfaisants dans une vocation, il y en a d'autres qui paient toujours suffisamment les hommes laborieux. Il est plus que probable que tous les télégraphistes habiles retourneront à leurs anciens postes. Il est actuellement incontestable que la grève des télégraphistes a fortifié l'opinion en faveur d'un service sous le contrôle immédiat du gouvernement. Avec les réformes introduites dans le service civil, l'objection principale cesserait d'exister. Mais il y a encore d'autres arguments défavorables qui ne permettent pas une réponse facile. Toutefois, il existe de fortes raisons à l'appui du nouveau système, les mêmes qui justifient le service postal. La principale est que le gouvernement chercherait moins à faire de l'argent ou à accommoder les populations et que le service pourrait être étendu à bien des localités qui actuellement doivent s'en passer. Le principal argument contraire est qu'un homme privé obtiendrait difficilement son recours contre le gouvernement pour n'importe quelle défectuosité dans le service. Si une lutte s'engage sur ce terrain, nous croyons que le premier système l'emportera. Il fonctionne depuis longtemps avec avantage dans plusieurs pays étrangers et le nôtre n'offre aucune particularité pour ne pas lui permettre d'en faire autant. Une chose que les femmes font aussi, mais à huis clos, autant que possible, dit un correspondant de Saratoga, est de jouer aux cartes à l'argent, et bien les chambres privées du Grand Union et du Congress Hall pourraient raconter de curieuses histoires de leurs beaux visages, colorés non pas avec du rouge ou par l'effet d'un verre de vin, mais par la passion excitante du jeu. Les paris aux courses, devenus assez communs parmi les dames, ont stimulé leur disposition naturelle à tenter la chance et la mode de jouer à l'argent nous a été importée d'Angleterre. À Londres, l'hiver dernier, une dame américaine, dont le nom est connu dans tout le pays, donnait une soirée où la partie de cartes était la pièce de résistance. La société n'était pas nombreuse, toutes des Anglaises sauf l'américaine, et c'était un dimanche soir, quoique cette dernière dans son pays, pour des scrupules religieux, ne permette pas à son équipage de passer dans Central Park le jour du Seigneur. Pendant cette soirée, il n'y avait pas d'hommes présents. $2000 ont changé de main ainsi que des bagues ornées de diamants. Le poker est le jeu favori, et pendant les chaleurs de l'après-dîner, alors qu'on suppose que les dames jouissent du bonheur de la sieste, plusieurs d'entre elles sont à l'écart, en toilette de chambre, regaillardies par le clairet et le punch, à faire la partie de cartes et à mettre comme en jeu leurs boucles d'oreilles, bagues et bracelets, quand le numéraire est épuisé. Les extraits du Progrès de l'Est sont diffusés avec la permission de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. En complément de programme, voici une nouvelle de Mario Fecteau, l'auteur du cycle « Les maîtres du Pentacle » publié chez Michel Quintin. La réalisation audio date de mars 2010. Les éditions de l'Avenir présentent « Prison cérébrale », une nouvelle de Mario Fecteau, paru à l'origine dans Octa numéro 52 en 1994. À mon bon ami Denis Nadeau pour le titre. Tu es fou, en es-tu conscient? Fou! Il me répétait sans cesse cette phrase, comme s'il avait pu m'amener à changer d'idée. Mais je voyais bien que le défi l'intéressait et que s'il cherchait à m'en dissuader, c'était pour ne pas succomber lui-même à la tentation. Après tout, j'avais touché sa corde sensible. Un médecin aussi renommé que lui, à travers toute la communauté scientifique, ne pourrait résister, je le savais bien, à ce défi. « D'accord, je suis fou », ai-je finalement répliqué. « Et alors, c'est réalisable, non ?»« Du point de vue strictement technique, ce que tu me demandes est parfaitement réalisable. » « Alors, qu'est-ce qui te tracasse ?

que l'Empire solaire a été sauvé. Si vous n'aviez pas été sur notre route, nous n'aurions jamais pu informer à temps Périrodan et Atlan du sort qui les attendait. Tout est donc bien qui finit bien, et vous avez droit à ma reconnaissance, même si nous avons dû vous violer un peu pour parvenir à nos fins. Je vous rends donc la direction de votre vaisseau, et je suis désolé que votre médecin ait trouvé la mort dans l'aventure. S'il n'avait pas dégainé son radiant, mais je peux aussi comprendre sa réaction, Ima, croyant son ami en danger, ne l'aurait pas électrocuté. Nous allons prendre congé, mais s'il vous venait quelque idée incongrue, sachez que les canons de l'explorateur sont dirigés contre vous, et qu'ils sont plus performants que les vôtres. Le mulot Castor assista au transbordement du Zuma et de ses passagers à bord du navire terranien depuis la centrale, où il tint compagnie au patriarche et à ses officiers. Lorsque tout fut terminé, il s'empara d'un des pseudopodes d'Arx qui n'avait pas voulu le laisser seul et agita la patte en signe d'adieu. Puis, l'air brasilla et ils disparurent, rendant le commandement de la nef cylindrique à ses propriétaires. Projet de Garpo, il ne reste plus que deux nouvelles à distribuer. Donc, si vous voulez prêter votre voix au projet, n'hésitez pas. Contactez-moi à terran932@yahoo.com. Vous seriez intéressé à devenir réalisateur bénévole pour les éditions de l'avenir? Il y a toujours plusieurs projets audio en cours, mais qui tardent à aboutir faute de temps pour les réaliser. Le montage prend beaucoup de temps. Je ne dirai pas non à quelques valeureux volontaires. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. En terminant, notez que l'émission que vous écoutez est disponible sur la page qui lui est consacrée sur Canal Blog à l'avenirpodcast.canalblog.com, ainsi que sur SoundsMap, en transition sur Podomatic à l'avenir.podomatic.com, sur Podcast France et via le Miro Guide à www.miroguide.com/audio/16760. Vous pouvez nous retrouver également sur Twitter à twitter.com/l'avenir audio, ainsi que sur Google Plus sous Christian Martin. Nous sommes également sur Pinterest à pinterest.com/l'avenir audio. Et voilà, ainsi se termine cette 11e émission de la 2e série du podcast des éditions de l'avenir. Rappelons enfin que vous retrouverez toutes nos productions audio à l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.